Vous êtes toujours à l'écoute de l'Aérospatiale, magazine sur les arts visuels à Québec. Myriam Leland, toujours au micro. Et on écoute la suite de cette entrevue que Mathieu Bouchard nous a préparée avec Marie-Christiane Mathieu, directrice de la collection Phosphore aux presses de l'Université Laval. Là, maintenant, il y a une sous-collection, on pourrait dire, dans la collection Phosphore. C'est la collection Spéculation Oui. qui a commencé avec le livre Le vaisseau de Suzanne Leblanc, dont j'ai parlé à ma dernière chronique. Oui. Puis ça, c'est un nouveau volet qui, ben, pas pour faire un mauvais jeu de mots, mais quel futur a nouvelle collection-là? Il va falloir spéculer Ouais, là-dessus. c'est ça. Bon, spéculation, il y a deux volets là qu'on a mis en route, là, je dis on, là, mais tu sais, c'est parce que, bon, oui, je suis la directrice, mais je travaille toujours en équipe. Il y a Suzanne qui travaille avec moi, ben, surtout sur ses projets. Il y a toujours, moi, je suis quelqu'un qui travaille en équipe. Et donc, il y a le volet phosphore, spéculation, mais il y a aussi le volet recherche. Bon, là, il y a rien encore qui est sorti de ça, mais il est bien là. Il y a son logo et tout. Donc, la question de la spéculation est arrivée il y a peut-être 3 ans, alors que il y avait plusieurs projets sur lesquels différentes personnes travaillaient. Je pense, mettons, à Julien Lébargie, Suzanne et moi et d'autres. On avait cette idée qu'il se passait quelque chose qu'on pouvait détecter à partir du travail pratique qu'on faisait. C'est assez étonnant, là, mais... pour ce qui est de Julien, c'était assez marqué parce que, bon, il travaillait sur l'enfermement, l'isolation, le concept d'autorité. Et là, Suzanne, elle est partie, elle était sur un projet encore d'enfermement, mais dans un vaisseau, une espèce de nouvelle philosophique. Et là, cette idée de spéculation, elle est apparue d'elle-même. Je donne un cours aussi, communauté de pratique, art collaboratif. Et puis, depuis des années, j'utilise la technique du design fiction sur une des branches, en tout cas. On n'est pas tout le cours là-dedans, mais c'est une méthode. Et puis... Ben là, on s'est dit, ben voilà, moi je pars un volet, puis on va commencer à réfléchir sur cette notion de se projeter dans un futur proche, plus ou moins proche. T'sais, en fait, il y a différents types de futurs. C'est de la spéculation. Est-ce que c'est de la c'est de l'anticipation? C'est quoi au juste? Et puis, en fait, ça ouvre la porte. C'est comme une espèce de grande bouffée d'air frais, là, où tout est possible. Surtout en ce moment, comment on peut entrevoir l'art? Comment on peut réfléchir sur l'art avec ce qui se passe, que ce soit au niveau de la pandémie, que ce soit au niveau de l'écologie, que ce soit au Oui. niveau de la politique. En fait, c'est tout ça là que ça permet. C'est certain que l'artiste a besoin d'être un vecteur de changement dans le futur. Puis ça ne peut pas juste continuer comme des producteurs de produits qui vont être vendus sur un marché puis continuer à fournir le capital. C'est certain que si on peut éventuellement trouver des solutions au futur, ben, aux problèmes futurs, ben, ça peut être intéressant. Puis au contraire, on est des gens créatifs en général, donc. Oui, tout à fait. Oui. Ben, en fait, là, on travaille en ce moment sur un projet, puis on espère qu'on pourrait apporter quelque chose au débat. Dans les façons de parler, de travailler, d'aborder l'art, en fait, de changer, parce qu'on là, on se fie beaucoup sur un document qui est un document qui a été produit par le gouvernement comment je dirais, c'est un document qui est organisée autour du concept de futuriste, là, mais pas futuriste dans le sens futuriste italien, là, dans le futur, qui nous projette dans le Oui. futur. Il y a vraiment un bureau qui s'intéresse, un bureau gouvernemental. Là, il y a vraiment un organisme gouvernemental qui s'intéresse à des projections de 10, 20, 30, 40 ans. Et qu'est-ce qui, dans 30 ans, comment on pourrait voir la politique dans 30 ans? Comment on pourrait voir l'écologie dans l'environnement, dans la santé, comment ça va, dans 30 ans, l'art, ça va être quoi? Même le volet art est traité. Donc, quand on regarde ça et comment ces gens-là, à travers différentes rencontres, à travers différentes entrevues avec des spécialistes de la question, détermine comment va se transformer l'art ou comment l'art va être pratiqué. C'est assez étonnant, là. Mais ça nous a pas mal interpellés. Et donc, est-ce qu'on est d'accord avec ces visions ou pas? Et c'est là-dessus qu'on veut jouer et c'est là-dessus que la question de la spéculation devient intéressante. D'avoir un autre point de vue que, par exemple, cet organisme-là gouvernemental a, de le voir avec les yeux des artistes. Ben, en fait, elle le voit toujours, il y a toujours un côté économique là, Oui. là-dedans, de diffusion, de consommateurs. Oui. Et donc, nous, ça nous intéresse moyennement. Et puis, on veut aussi, on est plus dans l'approche formelle non plus, on n'est plus dans ces questions-là. Donc, comment on aborde, c'est des questions qu'on soulève. J'écoutais hier une conférence d'un écrivain de science-fiction qui s'appelle Alain Damasio. Puis il parlait qu'en général, aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans l'utopie ou la dystopie. Il parlait de la prototopie, quelque chose qui est un peu de l'anticipation, de faire un récit de fiction qui serait un prototype de ce qui pourrait arriver éventuellement. Ben Puis oui. j'ai l'impression que c'est peut-être plus ça que vous avez tendance à vouloir faire avec la. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, on pourrait parler de futur à la limite du présent. Là, comme je disais, là, en fait, il y a Black Mirror qui travaille, la série Black Mirror qui est beaucoup là-dessus. Donc, en fait, on pourrait dire, si on retourne il y a un an, le 12 mars 2020, Oui. qui aurait imaginé que le monde s'arrêterait comme ça? Personne. Et puis, c'est drôle parce que, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait, comment il s'appelle, ce même jour-là, il y avait ce conférencier qui était venu à l'école Winston. Alexander Wilson. Oui. Et donc, lui, parlait dans sa Oui. présentation de ça. Il parlait il réfléchissait sur la notion de fragilité. Qu'est-ce qui, tu sais, que tout d'un coup, tout pourrait basculer. Oui. Mais ce même jour-là, tout a basculé. En fait, Oui. son texte était très prémonitoire de qu'est-ce qui allait se passer une heure plus tard. Tu sais. Et donc, ça m'a beaucoup. Ça m'a comme parti là sur cette notion de présent proche, futur proche, probable, et avec différentes notions. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Et qu'est-ce qui qu'on, et comment on pourrait le projeter, l'inventer? Il y a différents niveaux là de projection. Dans la même conférence d'Alain Damasio, il citait Foucault, puis Foucault disait que de sa vie, il n'avait fait que des fictions. Puis je trouve que, par exemple, par rapport à Alexander Wilson, en général, la philosophie, l'art, ça a tendance à faire des fictions, à construire quelque chose qui est très cohérent dans son ensemble, mais qui, face à la réalité, souvent, c'est que du discours, c'est que du langage, mais quand même, des fois, la fiction rejoint la réalité. Puis c'est souvent en faisant de la fiction qu'on rejoint peut-être plus la réalité, si on est conscient que c'est de la fiction, je pense. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui rejoindrait un peu la manière de voir de la spéculation? Moi, je vais te nommer un Baptiste Morisot. Ah, C'est oui. un jeune philosophe. Moi, Oui. je suis vraiment dans ces registres-là, là, de ces jeunes philosophes, surtout français en ce moment. C'est drôle parce que moi, j'ai toujours été très, très intéressée plutôt par l'anglo-saxon, la littérature anglo-saxonne, américaine. Et là, tout d'un coup, apparaissent ces nouveaux penseurs-là, philosophes qui ont 35, 40 ans, là, c'est comme, et qui s'intéressent à toute autre chose que le Foucault et compagnie, là. Et il y a comme une bouffée d'air frais, là, qui arrive avec des problèmes actuels, là. Tu sais, moi, je nie Foucault ni Deleuze parce que je puise sans cesse dans leur réflexion. Mais lui, justement, en citant Deleuze, qui disait, ben, tu sais, dans le fond, c'est quoi un concept? Ben, un concept, c'est finalement où je dirais peut-être la fiction, ça part d'un problème. Il faut que tu trouves un problème. Et à partir de ce problème-là, ben, tu travailles à le résoudre. Donc, à travers ce que tu veux, ça peut être justement, alors ça peut être à travers une fiction, un récit. T'inventes des possibilités, tu crées des possibilités. Donc, tu t'ouvres des voies, mais c'est le problème là-bas, c'est de quoi tu veux parler, là, t'sais. Alors, nous, la question, c'est vraiment le fondement, c'est comment réfléchir sur l'art en ce moment, là, comment, et la perspective, ben, c'est vraiment une perspective, là, une perspective. D'anticipation, une perspective qui va nous permettre de travailler peut-être avec des nouveaux outils, de réfléchir sur les nouveaux outils. Tu sais, on va parler en ce moment, nous, on s'intéresse beaucoup à la science aussi, sans être des scientifiques, mais tu sais, c'est sûr que tout ça, là, il y a le petit rover que j'appelle qui s'en va sur la planète Oui. Mars, qui va s'en aller là-bas, qui va arriver bientôt au mois de février. La chef, une des principales ingénieures, c'est Farah Alibi, qui, en fait, ça nous fait toujours plaisir de savoir qu'elle vient de Joliette, mais qui est à la NASA. C'est elle qui dirige tout ça, qui s'installe. Et donc, tu as tous ces gens qui travaillent autour de nouvelles colonies. C'est quand même un monde qui change, là. On ne peut plus rester attaché aux mêmes notions modernistes ou postmodernistes. Ou, tu sais, je ne vais pas nommer la grande histoire de l'art, là, mais comment on peut, à quoi on peut attacher ça, ces mondes-là qui sont en train de se créer, ces imprimantes 3D qu'on va transporter sur la planète, puis qu'on va construire à même les minerais trouvés sur place. Donc, il y a toute une logique. Puis on pourrait dire aussi, ben oui, là, on dépense des millions d'argent. Alors ça, on l'entend, là, on dépense, tu sais, des milliards, là, pour aller sur la planète, alors qu'on a de la planète Mars, alors qu'on a du mal à gérer la nôtre. Donc ça aussi, ça fait partie du débat. Mais c'est des questions puis des problèmes qui amènent, comme vous dites, à penser, à amener des fictions, des concepts différents. Puis c'est intéressant de voir, en tout cas, j'ai hâte personnellement de voir ce que spéculation puis phosphore vont amener comme nouveau concept puis comme nouvelle fiction dans le futur. Marie-Christine Mathieu, merci beaucoup pour l'entrevue. Ça a été super intéressant. Ça fait plaisir, merci Mathieu. Vous êtes de retour à l'aérospatiale, Myriam Leland et Gentiane La France avec vous. Et on avait envie de vous parler d'une toute nouvelle plateforme qui vient de nous être annoncée la semaine dernière, qui s'appelle Art Traduction, qui est un projet du trio de la Galerie 3. Donc, c'est une plateforme virtuelle d'œuvres de vente d'œuvres d'art qui est dédiée aux artistes émergents de la province de Québec. Et si on cite le site, des artistes émergents soigneusement sélectionnés, des œuvres de grande qualité, des collaborateurs respectés. Et donc, c'est vraiment un nouveau système un peu atypique dans le marché de l'art en ce moment. Là, c'est pas des artistes qui sont représentés comme s'ils s'engageaient auprès d'une galerie, mais c'est une sélection d'artistes qui ont été faites par, pour l'instant, c'est le trio de la Galerie 3, mais on m'a dit qu'il y aurait probablement des personnes, des spécialistes invités dans le futur pour sélectionner peut-être d'autres artistes. Et ça se fait de manière temporaire. Donc, c'est un engagement qui peut être d'une année ou jusqu'à 5 ans, mais il n'y a pas un engagement comme un artiste envers une galerie. Donc, c'est vraiment un système qui est un peu... C'est vraiment la reprise du système d'une exposition, donc vraiment une sélection de dossiers, un repérage. Les artistes peuvent même soumettre leurs dossiers. Donc, c'est vraiment le principe par lequel des commissaires peuvent passer pour créer une exposition. Mais le but est vraiment, en fait, d'avoir une plateforme de vente en ligne qui est très bien faite, soit dit en passant. Là. C'est super convivial comme plateforme. Puis, ce que j'ai aimé personnellement, c'est que c'est, oui, une plateforme qui est faite pour pousser, promouvoir des artistes émergents, mais c'est vraiment conçu pour les collectionneurs émergents aussi. Oui, parce que les prix sont quand même assez abordables aussi, là, puisque c'est des artistes émergents. Et la sélection d'artistes est vraiment d'une très grande qualité. Là. On reconnaît les couleurs et les saveurs de la Galerie 3, le côté ludique, le côté très coloré, très organique aussi. Et puis, on a de belles découvertes, mais aussi de belles redécouvertes, des belles surprises. On retrouve à Coraline Belzile, qu'on a reçu plusieurs fois ici à l'émission et dont on aime beaucoup le travail. On a également le travail d'Alexandre Don. Oui, t'as un coup de cœur? J'ai eu... j'avais ciblé quelques artistes, justement, oui. Quelques œuvres même. J'ai eu une découverte pour Charles-Antoine Blais-Métivier. Bien sûr, le nom me disait quelque chose. Ce sont des artistes émergents. On entend les noms un peu partout. Mais sa collection, les Kennettes, j'adore ça! Ce sont justement des céramiques émaillées, mais en forme de qui représentent des canettes de Budweiser, de Pabst, de Rockstar, de Red Bull. C'est une belle réflexion aussi sur l'univers domestique, la sédentarité et ce qui est mentionné sur le site web, la dépendance aux services de livraison. Puis en pleine pandémie, c'est vraiment un sujet qui est très d'actualité. Donc ça rejoint les préoccupations de ton quotidien, Myriam. Tout à fait. J'ai vraiment été rejointe par la série Les Kennettes que j'aime à prononcer comme ça aussi. Le travail de Charles-Antoine Blais-Métivier est très ancré dans la culture populaire, puis il y a un humour vraiment très intéressant. Puis oui, il y a des belles découvertes. Élise Provencher avec ses céramiques à la fois attirantes et repoussantes, avec des inspirations. Clara Cousineau, que je ne connaissais pas aussi, qui fait aussi dans l'objet. Il y a vraiment des choses assez particulières. Je ne connaissais absolument pas Clara Cousineau. C'est une belle découverte que j'ai faite sur le site aussi. Oui, puis moi, j'ai eu l'occasion d'aller voir l'exposition à la Galerie 3 qui accompagne le lancement de cette plateforme. Et sur place, j'ai beaucoup aimé découvrir le travail de perlage de Nico Williams. Oui. Donc, ce sont des tout petits objets faits de perlage. Donc, on a du travail de perles, mais aussi des épines de porc-épic. Vraiment des objets fascinants, colorés. Il y a quelque chose de très acidulé aussi là, dans le travail de ces couleurs. On retrouve aussi le travail de Pierre et Marie, qu'on a reçu en décembre pour parler de leur projet sur l'avenue Cartier. Donc, beaucoup d'artistes à découvrir. Samuel Saint-Aubin qui a ses installations cinétiques avec des œufs. Il y a un œuf qui est tombé pendant que j'ai visité l'exposition et ça m'a confirmé que ce ne sont pas de vrais œufs qui font partie de ces installations cinétiques. Oh. Mais on le sent quand même, on le ressent, voir des œufs se mouvoir sur des cuillères qui sont animées par des petits robots un peu frénétiques et on a peur que ces œufs-là tombent. Donc, il y en a pour tous les goûts là, d'œuvres à acquérir, à découvrir sur le site de Artroduction. Oui, c'est ça. Puis ce qui est quand même important à mentionner aussi, c'est qu'il y a vraiment un effort qui est fait pour que ce soit une plateforme inclusive et diversifiée. Donc, justement, on a des artistes issus des Premières Nations, on a de tous les genres, autant genre artistique que genre humain. Puis, une mention particulière aussi, des artistes comme, par exemple, Sarah Thibault, qui fait beaucoup dans l'installation, le très gros, des œuvres dans lesquelles on peut se déplacer, bien là, on a des petites pièces qu'on peut plus facilement collectionner, justement, pour avoir des petits bouts de ces installations chez nous, par exemple. Donc, comme je disais, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, autant pour les artistes émergents que les collectionneurs en devenir. Donc, on va continuer à suivre ce très, très beau travail que les gens de la Galerie 3 ont mis en place avec cette plateforme Artroduction. Et on a jusqu'au 14 mars pour aller voir leur exposition inaugurale sur place à la Galerie 3 sur l'avenue Saint-Vallier. Et nous, on se quitte pour une pause musicale. On écoute Tankeb et au retour, c'est l'agenda de la semaine. De retour à l'aérospatiale. C'est déjà le moment de l'agenda de la semaine, donc qui sonne le glas de la fin de l'émission. Donc, cette semaine, pour souligner le lancement d'Artroduction, comme on en parlait juste avant la pause, il y a l'exposition Artroduction qui est présentée à la Galerie 3, donc jusqu'au 14 mars. L'exposition est accessible à tous selon l'horaire habituel, soit du mercredi au dimanche de 11 à 17 heures. Le 18 février de midi à 13h30, il y a également le Centre d'artistes vertical à Laval qui a prévu une discussion sur Facebook avec Alexandre Piral et Eden Fournier, Arcadie Lavoie-Lachapelle ainsi que Anne-Marie Trépanier qui sont invitées à discuter des questions d'intimité, de présence et d'absence en contexte pandémique. Les invités et les participants vont aborder certaines approches thérapeutiques, artistiques et communautaires imaginées pour prendre soin de soi et des autres. Donc, pour s'accommoder des limites imposées et trouver des plaisirs à l'intérieur de cadres et rythmes en changement, comme on le fait à l'aérospatiale avec nos émissions préenregistrées. Cette pandémie qui nous inspire. Et c'est la dernière semaine pour voir. Il y a beaucoup de choses qui se terminent cette semaine. En fait, il y a le projet Sujet à risque de la bande vidéo dont on vous parle à chaque semaine. Alors, Charlotte Gosselin, le 17 février, Boris Firquet, le 18 février, Olivier Ricard, le 19 février. Et il ne faut pas avoir peur si on en a manqué parce que ça va être diffusée ensuite en entièreté sur la médiathèque de la bande vidéo et donc la médiathèque qui réunit des œuvres produites et diffusées par la bande vidéo depuis maintenant 30 ans. Et pendant les trois dernières fins de semaine de février, vous pouvez accéder gratuitement en ligne à trois films documentaires consacrés au mythique couturier Christian Dior et à sa maison de disques, c'est le FIFA, Festival international du film sur l'art, et le musée McCord qui vous présente cette programmation de long métrage qui est consacrée à ce grand couturier. Le dimanche 21 février, l'artiste Caroline Gagné va être au centre Le Lieu pour accueillir les spectateurs du projet Rivage de midi à 18h. Et ce sera d'ailleurs la dernière journée pour découvrir ce projet qu'elle présente avec Christophe Havard. Et puis, on appelle au lieu pour prendre rendez-vous ou on écrit au lieu pour prendre rendez-vous pour aller se réserver une plage d'exposition, une plage de visite pour l'exposition. Finalement, le mardi 23 février à 14h, dans le cadre d'une série de micro-conférences de 15 minutes qui se veulent un miroir du dynamisme du milieu des arts visuels et des arts numériques québécois, organisée par la Chambre Blanche, il y a Jeffrey Poirier qui propose un retour sur certaines œuvres ayant marqué son parcours et il présentera sa récente publication bilingue « Magnifier les grilles existées en marge des lignes, Amplifying the grids living along the lines ». Et c'est ainsi que se termine cette édition de l'Aérospatiale, le magazine radio consacré entièrement à l'univers des arts visuels à Québec. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web à l'aérospatialecrl.wordpress.com. Et c'est également un des bons moyens de savoir ce qui se passe dans l'actualité en arts visuels à Québec. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram. Un grand merci à Mathieu Bouchard, notre chroniqueur de la semaine, ainsi qu'à son invité Marie-Christiane Mathieu. Merci, Gentilhomme La France, d'être ma fidèle acolyte chaque semaine. Merci à toi, Myriam Leland. Et un salut spécial à notre Alfred Pellin de la mise en onde, Jacques Gignac, qu'on a toujours hâte de retrouver en studio. On ne perd pas espoir, donc on se laisse sur une dernière piste de l'album Camille Manx de Moukata et on se dit à la semaine prochaine.